monter l'adrénaline. Il t'attrape, tu dérapes et il te contamine. Je veux faire de ce monde une utopie, enculer Miss Monde et connaître Monsieur P. Didi. Ma vie se résume à de la survie entre ses profs assoupis, ses délinquants mal compris. La liberté n'a pas de prix, non. Je lève ma plume au changement, je soulève mon amertume envers ses enfants. Faut tenir la cadence, tenir tête à la concurrence. Pas devenir bête, mais gagner de l'assurance. J'accorde une importance capitale à ma musique infernale. Je suis un animal, pas prêt de rejoindre ma pierre tombale. Ne compare pas mes écrits à ceux qu'ils ont brillé. Mon but n'est pas de percer, c'est juste d'exprimer ma pensée. J'ai été bercé par la mélodie du rap français. Entre mes et entre confiance et doux, on avance coûte que coûte, on vit notre rêve au goutte à goutte. Notre rêve laisse-nous y croire, écoute ma voix, chut, écoute. Ta vie est faite de haut et de bas, la mienne est faite de flow et de bas sur ma vie. Je peux te taper des barres, ma musique elle ne fera pas débat. Je ne veux pas être une référence, ni tirer ma révérence. Je me fixe une échéance pour ne pas avoir ma déchéance. Tu le rap game fascine, c'est de moi qui me fascine. Le 35 comme un signe, cible le courant, je m'y résigne. Le succès, je l'esquive, tenter mettre fin à ma ive. Tu veux savoir ce qui m'enivre, ce qui me rend ivre, c'est de voir que la musique me fait vivre. J'ai le stylo sur la tempe, dans l'attente de remonter la pente. La tente et la voix que j'affronte, mais je tente et j'apprends. Et si la vie me tourne le dos, par derrière je la prends. Entre les ans et peines, entre confiance et doute, on avance coûte que coûte, on vit notre rêve au goutte à goutte. Notre rêve laisse-nous y croire, écoute ma voix, chut, écoute. On prend le micro pour exploser le vide. Soit t'es accro, soit tu t'exposes à nous sucer la bite. Si j'avais succès, produit illicite, pouvait m'enlever le succès, me mener au déficit. Ma seule essence est ma plume, je le pense et je l'assume. Là pour faire la différence, augmente le volume. 93 marque le début de mon ère. Dédicace au 6-1, actuellement en galère. Notre rêve percé, on se perd, c'est la musique qui nous a bercé. La rime dans mes artères, terre. Faut qu'on m'interne, qu'on mette à terme à mon rap avant qu'on me déterre ou qu'on me déteste, test. Je ne deviendrai de personne, mon chemin c'est moi qui le fasse. Dans mon monde c'est ma choucrète, fais du cash au rêve. Je vis dans l'univers mais vers l'univers, un univers m'a posé, mais il m'a posé sur le micro. Entre les ans et terres, entre confiance et doute, on avance coûte que coûte, on vit notre rêve au goutte à goutte. Notre rêve laisse-nous y croire, écoute ma voix, chut, écoute.